Audiomatique. Les sonoristes vous accueillent pour cette nouvelle transmission d'Audiomatique, celle-ci portant le numéro 308. Et c'est le groupe espagnol Linda Guilala qui se chargeait d'en poser les bases grâce à sa pièce Abstinencia, tirée de l'album Psychonautica. Les sonoristes vous remercient de vous abandonner à leur proposition et espèrent que vous aurez envie de vous les approprier. never say no. Client. Satisfaction guaranteed. Client. Superior quality. Client. We innovate, never imitate. Client. Unrivaled, unparalleled. Client. At your service. Client. We aim to please. Client. We never miss. Audiomatic, cette séquence musicale se terminait avec la musique du duo britannique Client qui nous interprétait la pièce-titre de leur premier album homonyme paru en 2003. Précédemment à Client, vous avez sans doute reconnu la voix de Thom Yorke qui nous offrait ici sa chanson Impossible Knots, extraite de son album Anima, lancé en 2019. Et pour débuter, il s'agissait du projet londonien Visioniste mené par Louis Carnell. De son deuxième album intitulé Value et paru en 2017, nous vous présentions la pièce New Obsession. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Oil 10. Knowledge. Knowledge. Thank you. La formation canadienne Orphex concluait cette séquence de trois pièces à Audiomatique avec Devourer, une composition apparaissant sur le 12 pouces Hunger Knows No Law, paru en 2012 sur étiquette de disque Sonic Groove. Avant Orphex, c'était l'artiste Chris Carter qui nous offrait son remix de la pièce Elephant Generators, composée à l'origine par le projet canadien Solvent. Cette pièce apparaît sur le EP New Ways Remixed, qui propose des versions alternatives de pièces apparaissant sur l'album New Ways Music from the Documentary I Dream of Wires. Quant à Chris Carter, qui nous a offert le remix, soulignons qu'il s'agit bien de l'ex-membre du groupe Throbbing Gristle. Et en début de séquence, nous écoutions Oil 10 et sa pièce Wide Knowledge apparaissant sur l'album Arena, paru en 2003. Pour qu'Audiomatique puisse préserver sa pertinence, nous vous présentons à l'instant une pièce du projet trifluvien Bio Bazar. We'll be right back. Audiomatique se poursuivait avec la musique du compositeur québécois Nicolas Bougaïef, qui est maintenant basé à Berlin, de son album Higher Up the Spiral, qui regroupe différentes versions remixées de pièces apparaissant sur son dernier album studio The Upward Spiral. Nous écoutions la pièce Nexus, remixée par Sam KDC. Et en premier lieu, nous avons pu entendre Bio Bazar, le projet musical de Danny Janvier, et la pièce titre de son plus récent EP, soit CBD, Corona Broccoli Disco. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter le profil de Bio Bazar sur Bandcamp au biobazar avec un z.bandcamp.com. Et c'est sur la musique du projet Biosphere de l'artiste norvégien Geir Jensen que se conclura cette transmission 308 d'Audiomatique. De l'album Cirque, paru en 2000, nous allons entendre la pièce Black Lamb and Great Falcon. Voici venu le moment de l'émission où les sonoristes vous convient à leur prochain rendez-vous radiophonique qui est fixé à 17h le mercredi suivant en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Il serait approprié d'ajouter que nos transmissions sont également disponibles à l'écoute en balado-diffusion par l'entremise de nos plateformes facebook.com/audiomatique-CFOU et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc, pour terminer, Biosphere et sa pièce Black Lamb and Great Falcon. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you.